Salut tout le monde et bienvenue sur La POC. JB Gagné, votre animateur. Nous sommes le lundi 23 janvier 2017 au moment de l'enregistrement et j'accueille pour m'accompagner avec moi pour les prochaines minutes de jasage de hockey mon comparse de toujours, ma douce moitié, Jerry Godbout. Hey, salut. On est lundi soir, le week-end était tough, je bois du lait. Moi, je commence mes vacances un bon gros 2 semaines. Ah ouais, des vacances là, en plein mois de janvier. Qu'est-ce que c'est ça? Là. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas prendre ça l'été. Ben, j'en ai 4 par année, moi. J'en ai pris 2 l'hiver, puis j'en prends 2 l'été. Ah, c'est nice. Et moi, je bois de l'eau. Cette semaine, nous sommes soft. En fait, nous sommes les Thomas Plekanec du podcasting québécois ce soir. Nous sommes soft. Crime, c'est chiant, ça. Mais on est bon défensivement. Ouais, c'est ça. Écoute, parlant de soft, on regardait ça avant le show. Les sujets se font plutôt rares. Le Canadien est comme dans une genre de passe où est-ce qu'il ne joue pas super bien, mais il ne joue pas si mal que ça non plus. Fait que c'est comme un peu ambivalent. Le tricolore, au moment d'enregistrer, est toujours au 4e rang dans l'Est, derrière Washington et Columbus, qui ont toutes deux 68 points. Pittsburgh est à la 3e place avec 65 points. Et donc, derrière, tu as les Rangers, les Sénateurs, les Flyers, Boston, pour les équipes qui sont dans les séries. Puis après ça, là, ça découle. Sinon, dans l'Ouest, c'est toujours le Minnesota qui est premier, égalité avec Chicago à 65 points. Anaheim, San Jose, Edmonton, surprise, Nashville, 6e dans l'Ouest. Et on dit tout le temps que l'Ouest est plus fort que l'Est, fait que je trouve ça très bon. Malgré la blessure à long terme de Piqué Souben, leur défenseur 1, 2, 3, 8, là, on le sait plus. Saint-Louis, Calgary sont les équipes qui sont dans les playoffs jusqu'à maintenant. Depuis le dernier enregistrement de la POC, c'était le 9, hein? Ouais, le 9 janvier dernier. Ouais. On a une défaite 4-1 contre les Caps de Washington. Ensuite, une victoire de 7-4 contre les Jets de Winnipeg. Le lendemain, c'est le Canadien qui s'en fait mettre 7 dedans contre le Wild. C'était censé être un duel de gardien de but au sommet. 7-1. C'est le fameux match que Carey Price a refusé de se faire sortir du match pour encaisser tous les buts. C'est un gars d'équipe. Mais en même temps, la question se pose, est-ce que c'est les gardiens qui décident de quand est-ce qu'ils sortent ou c'est l'entraîneur dans la Ligue nationale? Ensuite, les Rangers contre Montréal le 14, donc samedi, pas dernier, mais l'autre d'avant. Victoire de 5-4. Un match endormant à 3h de l'après-midi contre les Red Wings le lundi 16. Défaite de 1-0. Ensuite, Pittsburgh 4-1 le mercredi 18. Après ça, grosse fin de semaine, vendredi dernier, victoire de 3-1 contre les Devils de New Jersey et défaite de 3-2 en prolongation contre les Sabres. Et nous voilà, lundi le 23, au moment de l'enregistrement avec le Canadien au 4e rang dans l'Est. C'est long des recaps de 2 semaines. C'est quelque chose. C'est ce que je me rends compte. Puis là, après ça, ça fait comme, hein, je me rappelle plus de toutes les games. Mais en même temps, ça a été les 2 semaines où on a plus parlé de Carey Price. Oui. Dû à ses statistiques peu Carey Price. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas vraiment. C'est pas le gardien qu'on a connu. On va se le dire. Mm-hmm. Mais, moi, je veux qu'on commence direct avec ça. Ouais. Okay. Parce que je sais que nous autres, on a un peu embarqué dans la même game depuis le fameux regard, blablabla. Ça, c'est la situation de l'année. Carey Price n'a pas les mêmes statistiques. Donc, on dirait que les médias ne font que focaliser là-dessus et créer de l'inquiétude envers Carey Price. Mm-hmm. Est-ce que cette inquiétude vaut la peine d'être partagée, merci. OK. Est-ce que les médias en font trop? Est-ce que nous focalisent tellement sur ces mauvais matchs qu'on oublie le Carey Price qu'on adulait, qu'on disait que c'était déjà une légende vivante, que c'est un Hall of Famer, puis qu'il allait gagner la Coupe à Montréal. Ben, il y a pas de carrière, tu sais, drette tout le temps, là. Tu vas avoir des slams, tu vas avoir des hauts, des bas. Le but, c'est qu'à la fin, c'est que t'as eu plus de hauts que de bas. Carey Price, jusqu'à maintenant, même si là, il est dans une baisse de régime, veut pas, overall, il aura été au-dessus des standards de la Ligue nationale tellement longtemps qu'on peut pas, on peut pas y en vouloir. Ce qu'on peut, c'est que on peut regarder c'est quoi la situation réelle, est-ce qu'il y a une problématique, qu'est-ce qui se passe, on peut regarder. Yep. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au nombre de journalistes qui couvrent le Canadien de Montréal, au nombre de blogueurs, de gens, d'amateurs, il y a personne qui le sait vraiment. C'est là où est-ce que moi j'ai un étonnement. Puis quand tu regardes, il y a des gens qui le protègent, il y a des gens qui l'envoient au bûcher. On en a fait une... Ben j'en ai fait une publication sur le Facebook de la POC le 19 janvier dernier, ce qui veut dire jeudi dernier. Puis j'avais sorti à ce moment-là les statistiques de Carey Price depuis le fameux match de San Jose où est-ce qu'il s'est fait sortir et son fameux regard jeté envers le banc du Canadien de Montréal. Depuis ce temps-là, on parle de... jusqu'au 18 janvier, il aurait fallu que je mette mes stats à jour. Je travaille, désolé, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs. Dans ces 13 matchs, Carey Price a effectué une moyenne de 26,9 arrêts par rencontre. Les buts accordés, par contre, on passe une moyenne à 3,2 buts accordés par match et un pourcentage d'arrêts à 882. Dans cette séquence-là, zéro blanchissage. On a 1, 2, 3, 4 matchs où est-ce qu'il a accordé un seul but. On a ensuite aucun match où est-ce qu'il a accordé deux buts. On en a 1, 2 où est-ce qu'il a accordé trois buts. 1, 2, 3, 4, 5 où est-ce qu'il a accordé quatre buts. Et un match de 7 buts contre le Wild du Minnesota. Donc, on est très très loin des standards que Carey Price a lui-même établi durant sa carrière. Donc, je peux pas en vouloir aux médias de se questionner. Je peux pas en vouloir aux gens de se demander qu'est-ce qui se passe. Puis, je peux pas en vouloir aux gens qui disent, ben, tu sais, attendez, là, ça va passer. Il y a clairement quelque chose. Quoi? On le sait juste pas. Peut-être les voyages. Tu sais, il est rendu avec une petite fille. Ça, c'est des affaires qui changent beaucoup dans la vie d'un homme. Mm-hmm. Parce que ça reste un homme avant d'un joueur de hockey. Fait que, non, mais en fait, moi, j'apportais ce sujet-là pour un peu calmer le jeu encore. En fait, moi, je suis tout le temps là pour calmer le jeu. On relaxe, s'il vous plaît. Je pense pas que Carey Price est devenu mauvais. Faut se le dire. Fait que, moi, mon opinion, c'est que je trouve, ils ont le droit, mais je trouve que les médias focalisent un peu trop là-dessus. Donc, créer un peu eux autres même la panique envers Carey Price parce que sur les réseaux sociaux, il y en a une couple qui capote. Il y a des rumeurs aussi qui disent qu'il est peut-être blessé, il cache une blessure, si, ça. Fait que, tu sais, puis avec l'omerta du Canadien de Montréal, ben, on le sait que. En fait, on le sait pas. On le saura jamais s'il est vraiment blessé. Puis justement, on dit que les médias en profitent. Fait que. Moi, je pense que Carey Price va se replacer. Ça va juste pas bien présentement. Mais au moins, Montoya commence à se replacer. Fait que tu sais, c'est un équilibre entre les deux. Ouais, non, c'est sûr que Carey Price va finir par se replacer. Je serais pas... Tu sais, je serais vraiment surpris. Là où est-ce qu'on peut commencer à se poser des questions, c'est à savoir... tu sais, le fameux match où est-ce qu'il s'est fait sortir de la rencontre contre San Jose. Le regard au banc. Durant le match, moi, j'avais posé la question... Tu sais, Carey Price s'est rendu à un stade où est-ce que il veut gagner la Coupe cette année. Tout ce qui y manque, c'est ça. C'est un gardien de but élite. Il traîne son club et malgré tout, peut-être qu'il y a de la frustration à cause des blessures puis tout ça, mais malgré le magistral qu'il est capable d'amener à sa formation, il est pas capable d'avoir une chance pour la Coupe Stanley. Il regarde au banc, c'est ce que je mentionnais sur ce show-là, il voit un Tomáš Plekanec. Pas sûr qu'il se dit « Hey boy, ce gars-là va m'amener à la coupe. » Pas sûr qu'il regarde un Torrey Mitchell pis se dit « Ah, ça, là, c'est ce que ça prend dans un club gagnant. » Tu sais, il y en a une couple de même. Là. Même Alexis Méline, qui est deuxième défenseur, pas sûr qu'il le regarde en disant « On a vraiment le meilleur deuxième défenseur de la Ligue. » Est-ce que ces interrogations-là commencent à peser lourd sur les épaules de Carey Price, sur sa volonté, parce que c'est un battant, là, il aime pas ça se faire carrer, il aime pas ça perdre. Est-ce que ces interrogations-là sont rendues au point que, à la fin de l'année, quand il va avoir besoin de signer un nouveau contrat, ben en fait, il reste cette année puis l'année prochaine, c'est-tu ça? Attends un peu, là, je vais ouvrir. Il semble que, ouais. Attends un peu, je vais ouvrir mon site Cap Friendly préféré. C'est clair que c'est bientôt, là. Carey Price, dans pas longtemps, on a une coupe à signer. Là. Ouais, ben en fait, Carey Price, il y a cette année, l'année prochaine de contrat, après ça, tombe UFA. Et donc, la question se pose à savoir, est-ce que Carey Price veut rester avec le Canadien de Montréal? A-t-il vraiment l'intérêt de rester avec cette formation-là? Puis là, ben, je rentrerai même pas dans la question de c'est quoi le salaire que Carey Price peut avoir versus le salaire que Carey Price doit avoir pour donner de la marge de manœuvre à son DG pour garnir son équipe de talent et devenir... Ben, pas devenir, mais maintenir la compétitivité du club. Est-ce que Carey Price a encore le goût de signer à Montréal? Est-ce qu'on lui a montré des choses pour lui donner envie de signer à Montréal? Est-ce qu'on lui a prouvé que cette équipe-là était contender pour la Coupe Stanley? Je suis loin d'être convaincu. Parce que lui non plus, il n'est pas convaincu. Je suis loin d'être convaincu. Je regarde cet alignement-là. Je regarde la façon que Michel Therrien gère ça aussi, extrêmement défensif. Ou est-ce que Galchenyuk revient au jeu, il y a un mauvais match, en ouais, c'est le troisième trio. Pour pouvoir offrir le centre du deuxième trio à qui? À Tomáš Plekanec. J'ai de la misère à comprendre comment Marc Bergevin peut aller voir Carey Price pour dire, regarde, on va s'asseoir, on va négocier. Je te promets une Coupe Stanley dans ton prochain contrat. Je te promets. Je comprends pas comment est-ce qu'il peut faire ça. Je comprends pas comment est-ce que, avec l'alignement qu'il y a sous la main à Montréal, le Canadien, le DG puisse aller faire un pitch de vente en disant « Je te garantis une coupe. On a ce qu'il faut. Check ça, telle affaire, telle affaire, là. C'est sûr. » Ça part, c'est même plus que juste l'alignement en tant que tel du Canadien. C'est aussi ce qui s'en vient dans la Ligue américaine. C'est aussi ce qui s'en vient en termes de prospects. Les deux meilleurs prospects du Canadien sont Sergachev et Juleson. C'est des défenseurs. Est-ce que c'est ça qui va amener le punch offensif qui manque aux Canadiens? Pas nécessairement. Ça va juste venir pallier. Ouais, au moment où est-ce que ces deux gars-là vont être prêts, ça va juste venir pallier au départ de Andrei Markov. Donc, c'est pas une addition, c'est un remplacement. Parce qu'on va se dire qu'avec le... depuis que Markov est blessé, la défensive à Montréal n'est pas pareille. Non, on surtaxe beaucoup de monde. Puis, on se rend compte que Zach Redman, oubliez ça, là, c'est pas un gars de la Ligue nationale. Il a 28 ans, devrait pas avoir un contrat one-way NHL. Non. Il y a aucun argument pour appuyer ça. C'est juste non. Redman, c'est un huitième dans la Ligue américaine. C'est... Ensuite, Johnston. Oh, non. Ben ça, c'est n'importe quoi. Ça aurait même pas de jouer à Montréal cette année, ça. Non. Non. Non. Il y a pas d'argument non plus. Non. Fait que là, tu te ramasses là, avec un pivotage là, pour les rôles de 7e, 6e défenseur. Avec Barbario, que tu dis, OK, ça, c'est legit. Il y a des soirs... c'est un 5-6 NHL. Il y a des soirs, c'est un 7-8 NHL. Correct. T'sais, c'est ça, le rôle d'un 7e défenseur. T'as un Patrin. T'as un Beaulieu qui, lui aussi, c'est jamais égal. T'as Johnston. T'as Redman. Wow! Mais non, mais écoute, des une coupe Stanley, là, c'est là-dedans. Là. Pige là-dedans, mais, là, t'as... Mais moi, je tiens à dire une chose sur Beaulieu, parce que lui aussi, j'ai l'impression qu'il se fait bâcher par les médias. Oui, il y a des soirs qui a de l'air d'avoir une cellule d'ouverte puis que le reste, c'est fermé. Là. Ça, c'est comme n'importe qui. Mais, écoute, si on parle de statistiques, là, il est à plus 7. Il a 17 points en 42 games. Mm-hmm. L'année passée, il en avait 19 en 64. Fait qu'on voit déjà qu'il y a une amélioration en partant. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il va péter le 19. Là, ça m'étonnerait qu'il fasse rien jusqu'à la fin de l'année. Là. Il joue souvent avec un défenseur qui est jamais le même à côté de lui. Il a joué avec Redmond, il a joué avec Barbario, il joue avec Petrie. Là, récemment, c'est plus stable avec Petrie dans le top 4. La blessure Markov oblige. Mais non, moi, personnellement, je trouve que Beaulieu est pas si pire que ça. Il a juste 24 ans. Fait que, tu sais, il va atteindre son pic dans pas long. Veux-tu qu'on jase un peu de Petrie? On peut. Parce que tu me dis... Beaulieu, il joue avec des défenseurs tout le temps différents. Puis, ben, tu sais, là, au moins, c'est un peu plus stable avec Petrie. Puis moi, je me dis, c'est-tu tant que ça une bonne chose de mettre les deux ensemble? Puis je vise pas Beaulieu. C'est censé être le kid entre les deux. Le vétéran qui est censé stabiliser ce duo-là, c'est Jeff Petrie. Et c'est 5,5 millions de dollars sur le plafond salarial. Avec une clause de non-mouvement. Ce défenseur-là est capable d'être un bon troisième. Mais il n'est pas capable d'assumer le rôle de leadership que ça implique. De driver quelqu'un avec lui. Son problème à Jeff Petrie, c'est pas le talent. C'est que quand ça commence à aller mal, il n'est pas capable lui-même de se ressaisir. Ça y prend quelqu'un d'autre pour le prendre sous son aile. Puis dans la situation du Canadien de Montréal, qu'est-ce qu'on a de besoin si c'est pas quelqu'un qui prend des kids sous son aile? C'était mon petit rant sur Jeff Petrie. Ben, c'est correct, mais Jeff Petrie, par exemple, s'enligne sur sa meilleure saison en carrière. À date. Ben, en même temps, il a passé combien d'années à Edmonton? Oui, mais quand même. Je veux pas le rabaisser, c'est... là, mais... Non, c'est sûr, mais je dis quand même, il a quand même 8 buts, il est offensif. C'est sûr que... Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est le mental. Du côté de Petrie, là, c'est entre les deux oreilles. Il est capable du meilleur, d'être un vrai bon troisième, top de la Ligue, comme le lendemain, il a de la misère à être un sixième. Puis c'est un vétéran, là, il arrive à 30 ans. C'est censé être lui qui calme le kid qui est avec pour dire « Hey, c'est correct, là, prends ton souffle, prochain tour, on va retourner sur la glace, ça va bien aller. » Suis-moi, ça va bien aller. Ouais. Il n'est pas capable de faire ça. Il a lui-même besoin de quelqu'un qui dit. L'idéal, il faudrait que Jeff Petrie soit gaucher puis qu'il joue à gauche de Shea Weber. Ça serait parfait. Ouais, mais en même temps, l'idéal de pas mal tous les joueurs de la défensive du Canadien de Montréal, c'est de jouer avec Shea Weber. Ouais. Vu de même. On va se le dire, là. Il y a à peu près juste Markov qu'il faut pas que tu mettes les deux ensemble parce que ça va être trop lent. Là. Mais ouais. c'est pas mal tout. L'idéal de pas mal tout le monde, c'est de jouer avec Shea Weber. Là. Mais j'ai une question pour toi, par exemple, parce que Beaulieu fait partie aussi des joueurs qui doivent être signés bientôt. Donc lui, je pense que c'est à la fin de l'année. Est-ce que tu le re-signes ou non? Considérant qu'il était il y a 24 ans, puis que si tu regardes sa saison, mais il s'améliore avec des flashs négatifs, mais en général, ça va bien. Ben, ça dépend. C'est quoi la durée du contrat? Ça, c'en est un. Là. On parlait sur le dernier show que les bridge contracts, c'est de la merde quand tu connais déjà le talent puis tu sais qu'il va aller en augmentant. Beaulieu, là, c'en est un qu'un bridge contract, là, c'est la meilleure affaire que tu peux faire au monde. Là. Il est pas assez égal, il est pas assez... Il y a trop de questions encore sur ce que ce gars-là va vraiment t'apporter à son top. Par contre, il a juste 24 ans. C'est encore jeune. Puis à 24 ans, là, dis-moi si je me trompe, là, mais à 24 ans, il est en avant de Patrin, il est en avant de Barbario, il est en avant de Redmond. C'est-tu vrai, ça? Oui, pas mal. L'année passée, j'arrêtais pas de dire que Barbario faisait la job semblable, mais force est d'admettre que cette année, je trouve Beaulieu plus stable et en avant de tous ceux que tu viens de nommer. Donc, ces trois-là sont en arrière de lui et plus vieux. Ta défensive, là, si t'enlèves Beaulieu, il y a un autre bon trou là, dans cette équipe-là. Là, parce que là, c'est ton. C'est pas mal ton quatrième par défaut. Ouais, parce que si Markov est là, c'est plus un quatrième. Mais on va perdre Markov dans pas long, fait que c'est un quatrième. Voilà. 4-5, whatever, là, mais 4-5. T'en as besoin là, dans ton roster de défensive. Tu peux pas passer à côté de Beaulieu ou faut que tu le remplaces. Et là, si tu veux le remplacer, moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, rentre le salaire du gars sur la masse salariale. Parce que à 1 million, t'auras pas ben ben moins cher si tu veux quelqu'un de meilleur. Mm-hmm. Pis t'es à peu près à même âge. C'est sûr. Mais tu penses-tu que c'est le genre de joueur qu'on peut remplacer avec le marché des joueurs autonomes cet été? Ben, j'ai pas la liste de ceux qui vont devenir joueurs autonomes. J'ai pas la liste non plus, mais tu penses-tu qu'il y a une possibilité? Je parle aussi côté cash. Je veux dire, il y a tout le temps quelque chose à quelque part. T'sais, l'année passée, bon, on a signé Redmond, puis on se rend compte que finalement, c'est de la merde. C'est un peu le Tom Gilbert de cette année. C'est un peu le Tom Gilbert de cette année. De l'année, ouais, ben bref, c'est nouveau, le nouveau chat. Hey, c'était clair dans ma tête, oh, même ouais. Si ça n'était pas quand je le transmets, là, mais. Ok, regarde, j'ai trouvé la liste, là, un peu là, des agents libres futurs potentiels sur le marché des joueurs autonomes. Dans les âges qui ressemblent là, pas mal à Beaulieu, là, tu sais. Ceux qui pourraient être intéressants, t'as Kulikov avec les Sabres de Buffalo. Par contre, il est déjà avec un salaire de 4,5 millions. Fait qu'il va demander quelque chose d'assez semblable. Ben oui, puis tu sais, il y a 20 games cette saison, une passe, moins 10. Mais avec un temps de jeu de 22 minutes par match. C'est pas une grosse offensive là-bas, mais ça te donne une idée, tu sais. Ça reste quand même Buffalo. Oui, mais quand même. Mm-hmm. Ensuite, t'as Michael Stone avec les Phoenix. Qui est à moins 9, 34 matchs de jouer, 1 but, 7 passes, 8 points. Qui est à 4 millions. Je continue à descendre, OK? Dans les salaires. T'as Eric Gudbranson, qui a 25 ans, qui va devenir RFA, comme Beaulieu. Donc, il y a moins de probabilité. En 30 matchs, 1 but, 5 passes, moins 14. Joue 20 minutes par match avec Vancouver, à 3,5 millions. Ouais. On jase, là. Lui, ça serait un guess que je prendrais à Montréal, par exemple. Ouais, parce qu'il mais y a le size. Ouais, non, c'est ça, ça arrivera pas, mais il est quand même bien fait, je trouve, avec les Panthers dans le temps. C'est pas la plus grande mobilité. Mais en tout cas, avec Vancouver, c'est pas le plus gros club non plus. Là. Ensuite, encore dans les RFA, t'as Calvin Dehaene avec les Islanders qui a 3 buts, 7 passes en 45 matchs, qui est à 2,9. Éric Gélinas, qui a 25 ans, 0, une passe, moins 3, joue 11 minutes en moyenne par match. Il y a 22 matchs cette saison. On parle de 1,6. Fait que c'est tous des gars qui sont plus vieux, qui sont payés pas mal plus et qui offrent pas des performances offensives, des stats offensives à la hauteur de ce que Beaulieu donne, tout en ayant un temps de jeu habituellement plus élevé. Est-ce que le. Je te pose la question. Est-ce que le Canadien est mieux d'aller chercher à l'extérieur pour avoir de l'aide ou est mieux de garder Beaulieu? Ben, avec ce que tu viens de m'apporter, au prix qu'on paye, Beaulieu est une bonne idée. Parce que. C'est ça qui demande une hausse de salaire faramineuse. Ben, il est agent libre avec restriction. Il n'y a pas le choix. Y a-tu quelqu'un qui va venir voler Beaulieu? Pense pas. Fait que s'il offre 2 ans. Puis tu te dis, gars, c'est 2 ans pour faire tes preuves, après ça, tu partiras, tu vas devenir agent libre. Je vais te le permettre, là, gars, je t'achète pas d'année d'autonomie. 2 ans, je te signe à 1,5. T'as encore là le meilleur deal du lot que je viens de te nommer. Pour plus jeune. Meilleure performance offensive. Avec un temps de jeu plus limité. C'est correct de chialer contre Beaulieu. C'est correct de dire que, ben, il est pas égal, il fait, bon. Essaye de comparer, voir. Ouais. C'est là que tu te rends compte que finalement, Beaulieu, c'est une bonne affaire. Ben, dans cette perspective-là, dans ce type de défenseur-là, avec sa situation contractuelle et son âge, oui, force est d'admettre que oui. Puis je suis pas le plus grand fan de Beaulieu. Je suis juste réaliste. Puis faut que tu prennes en compte la masse salariale de la formation du Canadien de Montréal qui a besoin de signer à la fin de l'année. T'as besoin de signer Radulov, t'as besoin de signer Galchenyuk avec une grosse hausse. Il va passer de 2,8 à probablement 6, 6,5 millions, si c'est pas plus. T'as besoin de signer Markov aussi. S'il y a une petite baisse, ça serait génial, mais gars, il va Markov va être à 5,5. Là. Il peut pas signer en bas de Petrie, là. Pas avec les chiffres qu'il présente, puis avec l'impact sur la défensive. C'est impossible. Ah, il y a un argument de plus là, cette année. Mais oui. Et le Canadien, avec ses... t'as pu 1, 2, 3, 4 gars-là à signer, a 23 millions de dollars de jeu sur la masse salariale. Mais 23, c'est pas beaucoup, là, pour des joueurs aussi importants dans le core de ton équipe. Fait que Beaulieu, forcé d'admettre qu'avec 0,5 millions de dollars d'augmentation, va rester une aubaine pour ce qu'il offre et la place que tu as sur le plafond salarial. Mais de la place sur le plafond salarial, tu pourrais en faire en échangeant Tomáš Plekanec. Faudrait que quelqu'un en veuille. Qui dans la Ligue nationale le 6 millions de lousse pour un joueur inutile? Les Panthers de la Floride. Pourquoi qu'il reste badré de Tomáš Plekanec? Ben, pour atteindre un plancher, je sais pas. Ils disent qu'ils seraient prêts à prendre des contrats. Ça dépend encore de quoi. Ouais, c'est sûr, mais quand même. OK. Mais mettons là, qu'il ramasse Plekanec. Qu'est-ce qu'il faut qu'on donne aussi avec ça pour que ça soit avantageux? Genre un premier choix total? Le premier choix repêchage? Pas au total. Là, ça dépend, là. Faut que se ramasse un contrat en retour, c'est sûr. Tu peux pas juste ramasser, envoyer le joueur, puis merci, bonsoir, là. Non, mais il pourrait jouer avec Jagr. Là-bas. Finalement. Ouais, c'est ça. Puis il y a probablement des bonnes stats avancées, Tomáš Plekanec. Hey boy. Non, je sais pas parce que pour vrai, je check pas ça, mais je sais pas ce qu'on pourrait avoir, mais c'était une idée comme ça. Tu le sais bien, moi, des idées pas préparées, là, du genre, hey, on pourrait l'envoyer là-bas. Écoute. Mais tu sais, s'ils veulent nous donner Blad. Je suis pas contre. Ouais, pouce pis pouce égal, on s'entend, là. Je suis pas contre. T'sais, qu'est-ce que tu veux? Je suis bien ouvert. Je suis prêt à jaser, mais tu sais, à un moment donné, là, force pas trop. Ah, ça ou Barkov? Ça, pas des mauvais choix. J'avoue. Là. Ben, écoute, il y a 100 000 de différence en salaire. Ouais, puis le talent est pas pareil aussi. Hey, c'est fou pareil. En tout cas, fait que tout ça pour dire que Beaulieu, oui, je suis prêt à chialer dessus, mais pas à le sacrifier pour rien, tu sais. Puis a-t-il une si grosse valeur que ça en termes d'échange? Pas sûr non plus, là. Je ne croirais pas. Tu sais, il y a pas de contrat à la fin de l'année, il a pas présenté des... Tu sais, il est pas outstanding, là, il est pas au-dessus de la moyenne. Il est juste dans moyenne forte par rapport à ses comparables. Ouais. Il a juste 24 ans, on l'oublie ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a même pas de bon sens. Même Galchenyuk, là, quand il marchait moins bien l'année passée, c'était la même affaire. Le monde chialait dessus, puis il a juste 22 ans. Non, c'est ça. Voyons, c'est le temps qu'ils produisent. Mais en même temps, tu regardes d'autres joueurs, genre Dernay, puis il n'y a personne qui dit c'est le temps qu'ils produisent. Puis il y a genre 8 ans de plus, là. Ouais, mais dernier, tant qu'à moi, il vient de se faire pousser dehors par un Philippe Dano. Bon, pas mal. Oh, ouais, vraiment. Feu de flamme à 25 points. Ça, en passant, je dis ça de même, mais c'est un point de moins qu'un Jonathan Toews à 10 millions. Mais ça a l'air que c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, Toews. C'est un là-dessus. Des meilleurs capitaines. C'est juste signé là-dessus, ça. Ouais. Je sais. Mais Philippe Dano. Une révélation chez le Canadien de Montréal cette année qu'on a eu pour Dale Weiss et Versteeg. Ouais. On a un choix de deux avec en plus. Yeah, mais c'est, on le mentionnait sur le dernier show aussi, là. Faut donner à Bergevin ce qui revient, là. Les trades de 3 et 4e trio, là, ils ownent tout le monde dans la ligue. Il y a toujours l'avantage. Si ça, ça en est, ça doit être fâchant pour les autres DG. Il y a personne qui doit vouloir transiger avec pour des gars de 2 puis 3 parce qu'ils gagnent toutes les trades. Toutes. Mais quand c'est le temps de signer quelqu'un à sa juste valeur, il l'a pas toutes. Ah, c'est sûr, mais ce que tu viens de dire là, j'en prends note. Ils own pour des trades de 2 et 3e trio. De 3 et 4e, parce qu'au moment d'échanger, c'était des gars de 3 puis 4. Là. Il a quand même été capable de refiler un René Bourque. Ah, il est magique, Bergevin, là-dessus. Là. Magique. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup d'espoir qu'il soit capable de refiler Tomáš Plekanec. Qui est un joueur de 3e trio. C'est ça, écoute. Ouais, vu de même. Fait que ça fit, là. Ouais, j'avoue. Il y a de l'espoir. Non, mais la vraie question, tu penses vraiment que Tomáš Plekanec va être vraiment sur son départ cette année, comme à date limite, va être tradé, ou c'est encore n'importe quoi, puis c'est sûr qu'il reste à Montréal, on n'en parle même plus. OK, moi te poser une petite question, là. Moi te contourner ça, là, tu vas voir. C'est quand la dernière fois qu'une équipe aspirante à la Coupe Stanley était vendeuse à la date limite des transactions? Ah, ouais. Bon, voilà. Ils vont le garder. Il y a pas de... À la fin de l'année, les contrats, ça vaut quasiment plus rien. Fait que pourquoi l'échanger quand c'est pour l'année prochaine? Fait que ça va être cet été, pas cette année. S'il y a une transaction, là, puis encore, moi, je pense pas que ça va arriver. Mais juste par principe, là, c'est quand la dernière fois qu'une équipe qui est dans le top 5 de sa conférence, qui est aspirante logique, tu sais, en étirant l'élastique un peu pour la Coupe Stanley, et vendeuse à la date limite des transactions, ça arrive jamais. Si Plekanec part, c'est parce qu'on ramasse un autre gros contrat équivalent d'un joueur énigmatique qui n'aura pas fait la job cette année, puis on va s'échanger les problèmes en espérant que ça débloque chacun dans le nouveau club. Ça pourrait être le fun pareil d'avoir quelque chose de nouveau, non? Ben oui. Mais encore là, gars, j'ai pas fait mes études. Il y a pas ça sur genre hockey DB, joueur style Plekanec, mais moins cher ou. Ça existe pas comme catégorie de recherche, mais en tout cas. Non. Pas évident. Joueur dans un slump échangeable contre Plekanec, ça existe pas comme catégorie, genre. Mais tu sais, il y a beaucoup de rumeurs d'échange, surtout dernièrement. Parce que, bon, à Montréal, il y a tout le temps plein de rumeurs d'échange. Puis à chaque fois qu'il y a un joueur disponible, ben on l'envoie à Montréal. Il y a eu des rumeurs qui concernaient Jason Spezza à Montréal avec un faramineux contrat. Ça pourrait être... Tu sais, quand on disait un gars dans un slump, style contrat de Plekanec, ça ressemblerait à ça. Ben, tu sais, c'est-tu un genre de joueur que ça, tu t'essayerais? Attends un peu, je vais sortir son contrat parce que je veux parler en connaissance de cause. Ben, il me semble qu'il est un petit peu plus élevé. Mais comme tu dis, à la fin de l'année, les contrats, ça vaut plus rien. Fait que, puis il finit à la fin de l'année, je pense. Non, il reste deux autres saisons. Il reste deux autres saisons? Ouais. Puis en plus, dans ses clauses, il y a des clauses de non-mouvement de clapatante, là. Fait que t'es obligé de le protéger pour le repêchage d'expansion. Et non Plekanec. On laisse faire. Mais j'avoue que c'est un gars qui est intéressant. C'était pas qu'il y avait un repêchage d'expansion puis que fallait que tu protèges les joueurs ou non, je t'aurais dit oui. Sauf que c'est une trop grosse variable pour pas la prendre en compte. Ouais. Mais en même temps, mettons que Spezza fait pas la job. Non, même pas. C'est les clauses, t'es obligé de les respecter. Fait que tu peux même pas le rendre disponible. T'es obligé de le protéger. Fait que ça te menote deux fois plus. Tu sais, Plekanec, mettons qu'il avait bien joué. Le fait qu'il n'y ait pas de clause, ça change rien. Tu peux décider de le protéger. Mais là, lui, s'il joue pas bien, tu peux même pas le rendre disponible. Fait que t'es coincé. Non, oublie ça. Non, c'est vraiment pas avantageux, là. À moins que Bergevin, encore une fois, pense qu'il y a un gars qu'il va réussir à extirper ailleurs puis ça va être avantageux, mais je penserais pas qu'il prenne un risque sur deux autres années pour se libérer du contrat de Plekanec. Là. En tout cas, ça ferait pas de sens. Si au moins le salaire était moindre, le fait d'avoir plus d'années, c'est pas si pire que ça. C'est comme si tu rachetais le gars au lieu que il patine plus. Ben là, au moins, t'as un joueur qui patine, là, mais non, pas en ce moment. Là. Pas dans cette perspective-là. Ouais. Excuse-moi, je réfléchis à haute voix parce que tu me droppes le nom de même. Fait que j'essaie d'évaluer les options. C'est bien correct. Je sais aussi que ça, on n'en parlera peut-être pas autant, mais Martin Anzal qui revient encore dans les rumeurs à Montréal, c'est expansionnel. Là, ça arrête juste pas. On dirait que c'est le fit. Il y a aussi Nugent Hopkins qui revient dans les rumeurs d'échange à Montréal, considérant que là-bas, il y a beaucoup trop de centres. Ryan Nugent Hopkins. C'est un peu le Jordan Stahl des Oilers d'Edmonton. C'est comme un troisième centre, mais qui est facilement un deuxième n'importe où ailleurs. Là. Ouais. Moi, celui-là, même si t'as déjà un peu étiqueté joueur fragile, c'est quelque chose... Genre, moi, c'est un joueur que je prenais à Montréal. Je veux dire, oui, il est 6 millions par année, mais je pense que dans le top 6 à Montréal, ce serait quand même assez bien. Mais pourquoi tu dis qu'il est fragile? Ben, c'est juste... Ben, en fait... Ben, je comprends la carrure, puis, tu sais, un joueur plus petit, mais il est à 6 pieds pareil. Tu sais, Plekanec est à 5 et 11. Il a déjà été blessé une couple de fois en partant dans sa carrière. Fait déjà, t'as l'étiquette fragile, là, c'est... Ben, regarde, sa première saison, 62 games. Deuxième saison, ben, faut dire que cette année-là, il y avait... non, même pas, c'est pas ça. Attends un peu. Après ça, une saison à 40 matchs, mais il en a joué 20 dans la Ligue américaine. Ensuite, 2013-2014, 80 matchs. 2014-2015, 76. Fait que deux saisons complètes. L'an passé, 55 matchs. Et cette année, il est à 49. Fait que, tu sais, il a joué tous les matchs. Ah, c'est ça. C'est pas plus. C'est pas un gros fragile. Ouais. C'est un mini fragile. Ouais. Mettons. Ok, c'est bon. C'est la nouvelle catégorie à Jerry, ça, ok? Les non, mini fragiles. Quand t'achètes les livres de Pooler, son nom est marqué fragile, ok? Ok. Moi, je me fie à ça, des livres de poule, OK? C'est bien carré. Mais en même temps, non. Mais bref. Hey, d'ailleurs, peux-tu me permettre de faire une petite annonce? Tu me fais penser à ça. J'ai une idée de projet d'écriture de livre. Et ça concerne des poules de hockey. Si vous avez des vieilles éditions de magazines de hockey avec des poules dedans, des prédictions d'experts, écrivez-moi. Je suis vraiment intéressé à vous les racheter. Cherche là, comme les 10-15 dernières années. Que ce soit en français, en anglais, Canada, États-Unis, tant qu'il y a des statistiques, des prédictions avec statistiques de la part d'experts, je suis preneur. Ouais, t'en as peut-être une coupe avec moi. Oh, ben écoute. J'ai encore regardé ça dans mes boîtes, fait que ça se peut que je te donne ça. Nice! Je pense même que j'ai celui de l'année de Crosby qui est rentré. Oh! Ben c'est ça, je me cherche ça pour un projet de livre, une étude, de quoi de bien ben cool si ça peut se réaliser. Donc, je ne vous expliquerai pas le processus parce que ça serait compliqué. Et je veux pas me faire voler l'idée. Mais ouais, t'en as avec moi. Donc cool. Bon, revenons à Ryan Nugent Hopkins. Oui, ça serait intéressant pour Plekanec, mais en même temps, pourquoi ça arrivera pas? Pourquoi que les Oilers se départiraient d'un centre pour aller chercher un centre si leur besoin c'est un défenseur? Ben, tu sais, si j'en reviens à ça, mettons que tu inclus Plekanec pour Hopkins, bien évidemment, présentement, si on fait ça, c'est nous autres qui gagnons le trade. Oui. Ils ont besoin de défenseurs. Il n'y a rien qui empêche de donner un Nathan Beaulieu. Exemple, je sais qu'il devient agent libre à la fin de l'année. Personnellement, je pense que ce serait le genre de défenseur qui re-signerait là-bas parce qu'il aurait sa place dans l'équipe avec les nouveaux jeunes et tout. Puis on va se le dire, probablement que Beaulieu est sur le trading block. C'est juste que justement, il n'y a rien pour... on va se rappeler l'année dernière qu'il y a eu des petites frasques hors glace. Puis Bergevin aime pas tant les glaces les frasques hors glace. Il aime pas tant les glaces hors frasques. Ouais, c'est ça. mettons que on jase. Okay? Mettons qu'on combine Plekanec et Emeline. On met les deux dans le deal. Ah ben oui, c'est pas non. Ryan Nugent Hopkins et Adam Larson. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils donnent Larson. Ils ont quand même donné Taylor Hall pour, là. Ouais, mais il est vraiment moins bon que tout le monde, ben, que Jeremy pensait. Fait qui sait? Peut-être qu'il va tomber dans le panneau. Ben, avec c'est parce que j'essaie de trouver de quoi de salaire, tu sais, plus élevé qu'Emeline pour compenser l'avantage salarial avec Ryan ou John Topkins. Mais non, tu sais, c'était très, très on jase, genre je fabule, là. Ouais, tu fabules beaucoup. Mais en même temps, il a quand même trippé sur Alexei Emeline, tu sais. Emeline, cette année, a quand même une saison potable. Écoute, imagine qu'est-ce que Larson est capable de faire avec un Weber s'il est capable de transformer Emeline en un défenseur numéro 2. Ouais, mais là, le trade pourrait être potable, honnêtement. Et, rajoute un pic, là, genre un deuxième, on en a plein. Là. C'est ça, faut facilement que tu rajoutes un pic. Puis s'il gosse trop, ben, tu peux peut-être mettre un Patterin, parce que Patterin, ça marchera jamais à Montréal. C'est un peu comme un charludon. Ça marchera pas non plus à Montréal. C'est bien plate. Ça va marcher ailleurs, tu sais. Mais tu sais... Écoute, j'ai le goût de l'écrire là sur le Facebook de la POC pour avoir les commentaires des gens peut-être d'ici la fin du show, parce que c'est sûr que ça va faire réagir. Fait que je te laisse partir avec la POC un peu, là. Je coupe mon micro pour pas que ça sonne en malade. Puis j'en reviens, OK? C'est bon. Fait que non, mais je pense qu'on a une bonne offre d'échange. J'ai vraiment hâte de revoir les commentaires des gens avant la fin du show, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont pitcher des rushs. Puis en même temps, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire « c'est magique », mais encore là, personnellement, je pense qu'on gagne le trade. C'est le but dans cet exercice, bien évidemment. Mais j'ai le feeling que les Oilers voudront pas. Il y avait aussi d'autres rumeurs d'échange qui a été, dans le fond, lancées. Et ceux-là, je les trouve un peu loufoques parce que ça arrivera vraiment pas à Montréal. Je pense pas qu'on ait le stock pour aller chercher ces deux joueurs-là. Et là, je parle de deux joueurs avec la formation du Colorado, Duchesne et Landeskog, qui sont sur le phare lumineux du trading block. On se le cachera pas qu'au Colorado... Je pense qu'on commence à comprendre pourquoi Patrick Roy n'a pas voulu rester dans l'équipe. Divergence d'opinion. Et je pense que ça commence à juste comme vraiment pas bien aller au Colorado. Donc, vente de feu. Vente de feu, ça le dit, on échange nos gros joueurs. Je serais même pas surpris non plus que Tyson Barry soit dans les rumeurs d'échange très bientôt. Parce que c'est des joueurs, Duchesne, Landeskog et Tyson Barry peuvent intéresser des équipes qui visent le grand trophée. Puis en même temps, ben c'est, on s'entend, c'est pas n'importe quoi. Landeskog, c'est le capitaine du Colorado, du Canadien, j'aurais tellement aimé ça. De l'Avalanche. Ouais, c'est ça. Il y a Matt Duchesne qui, avec sa rapidité, peut être un atout impressionnant pour n'importe quel. Je pense que Duchesne, c'est celui qui est le plus atteignable par Montréal, mais ouais, encore là, personnellement, je pense que ça coûterait beaucoup trop cher. Mm-hmm. On se dégarnirait pour un joueur comme Duchesne, puis je pense pas que ça en vale la peine. Ouais. Écoute, c'était dans ma liste de sujets, ça. Parce que moi, j'aime beaucoup suivre le blog de Mathias Brunet sur la presse, que je trouve toujours très intéressant. Puis vraiment, il y a quelques commentateurs, des gens qui vont laisser des commentaires que particulièrement, je fais attention de suivre puis de voir s'ils ont répondu. Puis il y a Serge Boisvert, Snake70, qui est un gars très connu, qui a déjà été dépisteur dans la LHJMQ, qui est très, très fan de la théorie du tankage puis de cette idée-là. Puis il parlait justement sur un article de Mathias Brunet qu'il y a un journaliste à Denver, en fait deux, qui mentionne que ce serait peut-être le temps d'échanger les jeunes vétérans de l'équipe en retour de dizaines de jeunes prospects pour regarnir tout ça par partir à neuf avec toutes des kids de la même âge. Et il dit, en 2012, quand le Canadien finit 28e, qu'il proposait la même affaire. T'échanges Price, t'échanges Subban, t'échanges Pacioretty. Et là, ça a l'air fou de même, mais plus ou moins, parce que tout d'un coup, ben Subban est déjà parti pour un défenseur plus vieux. Imagine si on avait, s'il n'y avait pas eu son gros contrat, comment est-ce que ça aurait pu être magique les joueurs qu'on aurait reçus en retour. L'autre truc, c'est, anyway, Price va devenir agent libre sans compensation l'an prochain. Puis si on fait un lien avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure, pas sûr qu'il veut rester, donc tu peux peut-être le perdre pour absolument rien. Et en plus, depuis 2012, le Canadien a absolument rien gagné. Donc, est-ce que ça aurait été si mal que ça d'échanger Price, Subban, Pacioretty quand le Canadien finit 28e en 2012 et on transpose la situation à l'Avalanche Colorado? Ne serait-ce pas une meilleure idée que de garder ces gars-là, ne pas avoir assez d'effectifs de premier plan ensemble pour être vraiment contender pour la Coupe, attendre qu'ils vieillissent, finir par les échanger pour de la valeur moindre et finalement pas avoir eu de Coupe puis pas avoir les effectifs avantageux d'une transaction? Non, je suis d'accord. Je trouvais la réflexion très intéressante. Oui, ça fait en sorte qu'on n'a pas Pacioretty, on n'a pas Price aujourd'hui. Mais imagine tout ce qu'on aurait pu avoir. T'sais, dans les repêchages des dernières années, là, depuis 2012, je vais sortir là, sur HockeyDB les joueurs que de premier plan, entre autres McDavid, Austin Matthews, Patrick Lane. Tu en as plusieurs que dans les repêchages des dernières années qui sont franchement intéressants, que si le Canadien avait été en bas de fond, en bas de classement, on aurait pu ramasser. Jack Eichel, Mitch Marner, que quand tu disais que tu capotais dessus lors du dernier Mitch show. Mitch Marner, c'est un de mes préférés pour les années à venir. On le voit moins ici, là, mais Zach Werenski avec Columbus, ouais. Qui déjà est leur défenseur numéro 1. Avec Seth Jones, ça va être malade cette défensive-là pendant plusieurs années. T'as Aaron Ekblad, Sam Reinhardt, Sam Bennett. Tu sais, t'en as plein des kids qui auraient pu être intéressants si on avait été en fond de classement, puis qu'on avait rebâti. Parce que, anyway, ben, 4 ans plus tard, le Canadien a pas gagné la Coupe, puis a pas participé aux séries drastiquement l'an passé, tu sais. Fait que c'est une balance, là. Je te dis pas que ça aurait été une bonne idée, sauf que ça laisse entrevoir des opportunités, des avantages sur le long terme. Ben, si mettons on parle du Colorado, oui, moi, je serais du genre à faire ce que tu proposes. Dans le fond, si on transpose ça au Colorado, d'échanger Duchesne, Endeskog, Barry, puis les jeunes vétérans qui sont performants pour aller chercher, je te garnis ta banque de prospects, puis tous les faire riser ensemble pour améliorer. Mais en même temps, exemple qu'on se dit que ça, c'est fait, c'est échangé pour des jeunes, faut que tu ailles chercher de quoi d'assez intense. Personnellement, je trouve, pour améliorer autant ta banque de prospects, ouais. Je pense que tu es quand même capable d'aller chercher avec ces trois joueurs-là facilement 10 bons prospects. Oh, oui. Que ce soit des méchants bons choix de ronde, peu importe. Mais en même temps, si la direction du Colorado, ici on parle de Joe Sakic et de ses compagnons, ne font pas le repêchage ou le développement de leurs prospects aussi bien, est-ce qu'on peut se dire que la job va être mal faite? Fait que si ça se fait mal, ben c'est on repart à zéro, tu sais. Comment je pourrais dire? Le meilleur exemple que je trouve qui a été fait, un peu, peut-être pas finalisé, mais à Toronto, il y a eu beaucoup de ménages de fait l'année passée. Il échangeait beaucoup... T'sais, il s'est débarrassé de Phil Kessel, qui était dans les top joueurs. Il s'est débarrassé de Faneuf. C'était pas nécessairement dans le top, là, mais on s'entend qu'il s'est débarrassé d'un gros contrat. Il a été capable de faire beaucoup de place pour accueillir, dans le fond, les jeunes qui s'en est. Donc, Austin Matthews, Mitch Marner, Nylander. Il y en a plein qui commencent à sortir. Mm-hmm. Puis, comme t'arrêtes pas de le répéter, et je suis totalement d'accord avec toi, Toronto vont gagner une coupe avant Montréal. Oui. Déjà, on peut voir les jeunes, justement, travailler ensemble. Moi, ça me fait un peu capoter de voir Toronto performer. Je me souviens plus du classement. Je sais même pas s'ils sont en série, en fait. Ils sont 9e en ce moment, 51 points. Mais juste devant eux, tu as les Bruins puis tu as Philadelphie à 52. Puis les Bruins, on va en reparler dans pas long parce que j'ai un sujet sur eux autres. Puis à ta peu, là, Toronto a 44 matchs de jouer, Boston en a 50, Philadelphie 48. Okay, t'as donc, 6 matchs en main, là, Toronto, ouais, là, pour un point sûr. À rattraper. Puis en même temps... Puis même là, juste petite parenthèse, ce qui fait qu'ils sont possiblement en série cette année, c'est comment est-ce que Frédéric Anderson joue. Il joue sa tête, là, il est vraiment solide. Mais malheureusement, ça va empêcher les Maple Leafs d'aller chercher un autre gros prospect qui leur manquerait pour avoir une équipe top-notch partout. T'sais. Fait que c'est comme le défaut de quand est-ce que tu clenches à la vitesse, là, faut gagner. Ils ont deux gros défenseurs prospects de premier plan, Riley Gardiner, puis t'as Zatiev qui est comme moins hot. Puis en attaque, dans les kids, t'as Matthews, t'as Nylander, t'as Marner, Gauthier, Brown, Sochnikov. Tu sais, il manque comme un attaquant peut-être, puis un défenseur pour avoir vraiment, là, tu sais, pendant 10 ans, une équipe élite qui va se tenir, puis qu'on va avoir à peu près la même marche. Mais donc, à un moment donné, il faut que tu clenches, puis je pense qu'ils l'ont fait un peu trop vite parce que impératif financier à Toronto, ils veulent gagner, tu sais. Mais c'est sûr, mais en même temps, si tu regardes ça comme ça, là, mettons que tu es un top joueur, tu tombes agent libre à la fin de l'année. Est-ce que Toronto devient une cible dans tes top de liste? OK, je vais te poser la question, là. Est-ce qu'il y a trois ans, un gars de la trempe de... Attends un peu, j'ai un blanc, là. Lucic aurait signé avec Edmonton. Il n'y aurait eu aucun intérêt. Mais là, tout d'un coup, t'as McDavid. Oh! Comment ça a été intéressant, tu sais. Voilà. C'est un peu ça. Donc, imagine, il y a Tavares qui devient agent libre dans pas long. Là. Il n'est pas signé, lui, avec les Islanders. Puis présentement, les Islanders, ça va pas bien. Il ne re-signera pas, là. S'il est intelligent, il ne re-signera pas, là. Est-ce qu'il va re-signer à Toronto? Moi, personnellement, je mets un petit 2 là-dessus. Écoute, même s'il y a un Matthews qui va jouer en haut de lui, je pense qu'il se fout d'être deuxième centre. Il va jouer dans une équipe qui rise avec des jeunes. Ça va être le vétéran de l'équipe. Parce qu'on s'entend que le capitaine, c'est Matthews. C'est lui qui le sait dans pas long. Bon, en fait, Tavares, je pense qu'il serait prêt à le donner à Tavares sans problème. Oui, s'il signe là-bas, on s'entend. Mais mettons que Matthews reste là, Tavares arrive avec un A, ça c'est évident. Puis ça change le visage de l'équipe. Il y a sûrement des bons défenseurs qui s'en viennent sur le marché. Puis en même temps, est-ce qu'il y a des défenseurs qui sont atteignables? Moi, je dis seulement, mais tu as un Van Riemsdyk en ce moment dans ton équipe qui marche, mais qui lui aussi est mentionné dans les rumeurs d'échange. Est-ce que tu peux aller chercher un bon défenseur avec ça? Je pense que sûrement, oui. Sûrement. Facilement, tu peux aller chercher un bon défenseur. Il y a des équipes qui... Là, j'extrapole vraiment beaucoup, mais Tampa Bay, cette année, ça va pas bien. Là. On les voyait vraiment plus haut qu'ils sont. Oui, la blessure de Bishop n'a pas aidé. Mais en même temps, est-ce que tout le monde voulait l'échanger? En tout cas, moi pis toi, on voulait l'échanger de là-bas. Fait que ça revient quasiment au même. Vasilevski, T'as-tu regardé les stats de Ben Bishop? Non, c'est moyen. Bishop ou est affreux cette saison. Bon, ça l'aide pas plus, donc. Mais 2 ans trop tard. Ouais, effectivement. Mais bref, est-ce qu'un Edmund, puis là j'extrapole parce que ça m'étonnerait qu'il soit disponible. Mais mettons qu'un Victor Edmund est disponible. Puis que tu peux aller chercher pour des choix. Parce que mettons qu'à Toronto, tu dis, ouais, les choix cette année ne seront peut-être pas tant bons. Est-ce que je peux me permettre d'échanger mon premier choix de ronde pour renforcer immédiatement avec un vétéran défenseur qui est dans l'élite? En même temps, un premier choix de ronde pour Tampa Bay peut devenir intéressant. Là, c'est complètement de la rumeur et j'extrapole. Mais en fait, Tampa Bay, là, ce qui arrive, c'est que le club, tu sais, quand tu dis bâtir par le repêchage, pour avoir tous tes jeunes qui ont à peu près le même âge, oui, cette année, ça va pas bien, OK? Mais c'est encore c'est blessé, ça aide pas. Entre autres, mais cette formation-là est pleine de talents, mais partout. Au dernier championnat mondial junior, le Lightning était la formation de la Ligue nationale qui avait le plus de prospects, avec 5. Ils n'ont pas fini d'avoir des jeunes intéressants qui s'en viennent. Puis le plus, l'affaire qui va leur faire mal le plus à long terme, là, c'est... en fait, il y a deux affaires. Un, ça serait de re-signer Ben Bishop, parce qu'ils n'auront pas compris que Vasilevski est prêt puis qu'il coûte bien moins cher. Ils ont signé Vasilevski pour 3 ans. Je serais surpris qu'ils signent Ben Bishop, là, qu'ils leur signent. Fait qu'ils auraient dû l'échanger l'an passé pour avoir plus sa valeur. Et l'autre affaire là, qui va leur nuire le plus, ben c'est Steven Stamkos. À 8,5 millions de dollars. Imagine t'échanges Steven Stamkos. Le retour sur l'investissement que t'as. C'est encore une possibilité, par exemple. Oui, c'est encore une possibilité, mais il faut que tu fites son nouveau contrat sur la masse salariale de sa nouvelle formation. Avec son ancien contrat, c'était bien moins dur. Ben moins dur. À 7,5, là, c'était pas énormément moins dur, mais c'était déjà plus facile. Ben, on sait qu'avec des millions, des fois, un million peut faire une différence. Regarde à Montréal, t'aurais pas signé Redmond ou un Mitchell, puis ça l'aide. Qu'est-ce qui manque cette année au Lightning de Tampa Bay? Qu'est-ce qui manque pour être une bonne équipe? Des défenseurs. Pourquoi qu'ils n'ont pas de défenseurs? Parce qu'ils ont mis l'argent, ils ont mis 8,5 millions sur Steven Stamkos au lieu d'aller chercher un solide défenseur pour jouer avec Edman. Ouais. Les formations de la Ligue nationale oublient que ben, c'est une équipe que ça te prend. Ça te prend pas juste une vedette. Ça te prend pas juste le gars qui est là depuis très longtemps que tu veux conserver parce que t'es gentil. Puis même... Là, il y a tout le monde qui vont dire, voyons, JB, tu niaises, là, t'es en train de nous dire ça. Même si Steven Stamkos était sur une saison d'à peu près un point par match, à un point par match, ça n'équivaut pas au salaire de trois joueurs sur un roster. C'est plate, mais c'est ça la réalité comptable de la Ligue nationale. T'as un plafond salarial à 73 millions, puis un gars qui prend à peu près 13 % de la masse, ça marche pas. À long terme, tu peux pas constituer une équipe gagnante de cette façon-là parce que tous tes joueurs vont finir par demander des augmentations de salaire. Ça scrape le plan. Ben oui. Là, c'est la dernière saison de Tyler Johnson puis André Palat. Tu penses-tu que leurs 3,3 millions chacun, là, ça va rester de même? S'ils visent pas 5, là, s'ils visent pas 6, je m'appelle Jacob. Jonathan Drouin est tartiné. Penses-tu qu'ils vont faire un bridge? Bon, lui, je pense qu'il va se faire trader. Ça serait une très bonne valeur d'échange. Mais s'ils veulent leur signer, là, il est à 900 000. Penses-tu qu'il va signer en, mettons, en bas de 5? Mais non. Pense que oui, moi. Check les comparables. Si tu veux acheter c'est son sûr. Autonomie, tu vas être pogné pour le signer 5,5, peut-être même 6. Mais ça, par exemple, comme tu le dis souvent, il est avec restriction. Fait qu'il n'y a pas tant de pouvoir de négociation. Oui, tu peux le forcer avec un bridge. Tu peux même l'amener jusqu'à l'arbitrage puis qu'il signe pour un an. Ce serait pas la première fois que ce gars-là, Jonathan Drouin fait pas comme tout le monde. Oui, ils peuvent. Mais Jonathan Drouin va être une star dans la Ligue nationale, c'est sûr. Il n'y a personne qui se pose des questions là-dessus. Fait que si tu l'amènes avec un bridge de 2 ans à 2,5, 3 millions peut-être, quand il va arriver à la fin de son contrat, tu vas être pogné pour leur signer puis il va avoir une méchante augmentation puis il va aller chercher un 7-8. Fait que t'es-tu pas mieux avec un vrai contrat de 4,5, 5, 5,5 pour sauver plus tard? Je pose des questions, là. Mais en même temps, ça ramène tout au fait que t'as un plafond salarial pis t'as des gros contrats à des gars qui sont pas capables d'en donner pour cette valeur-là. Steven Stamkos, à un point par match, à 8,5 milliards de dollars, sa masse salariale vaut moins en termes de hockey qu'un Palat qui fait un point par match à 3,3. C'est une simple équation. Il faut que tu en donnes plus que ton salaire. Puis à 8,5, c'est dur d'en donner plus là, que ce que tu payes sa masse salariale. Essaye pour un joueur de donner, mettons, 13 % de la production offensive de ton équipe. C'est impossible. Hein? Mm. Voilà. Écoute, je peux... cours d'économie 101 pour les DG, ça lui ferait pas de tort, tu sais. Fait que tu donnes des cours, ils ont le choix de t'appeler. Eh oui, gars. Ah. Bref, j'ai hâte au trade deadline pour voir les équipes bouger. Ouais. Même si c'est un gros puzzle avec les contrats et tout. J'ai encore espoir qu'on perde Plekanec. J'ai encore espoir qu'il y ait des équipes qui s'améliorent. Puis Toronto à vérifier. Moi, je dis que Toronto est à vérifier parce que je suis sûr que ça va bouger là-bas. Ah, sûrement. Ça va sûrement aussi bouger à Boston. Oui. Je voulais en parler d'entraîneur, Ben, ouais, on parle d'entraîneur parce que ça va vraiment pas bien. Comme tu viens de dire, son huitième Donc, Toronto sont sur le bord de dépasser. Moi, je pense que les Bruins ne seront pas les séries cette année. Julien, bon, ça fait 6 ans qu'il en parle. Est-ce que ça va être la bonne année? Je pense que oui. Je pense même que ça va se faire très bientôt. Ben, la bonne année, c'est relatif. Ça dépend pour qui. J'espère qu'on le dit. C'est rarement une bonne nouvelle. Vu de même, vu de même. Mais ça fait environ 10 ans qu'il est à Boston. Ça, c'est quand même un fait d'art. Moi, je veux dire, c'est très long pour un coach. 10 ans avec une équipe. C'est quand même acheté du temps en gagnant la Coupe Stanley. Parce qu'on sait que c'est pas le préféré de Cam Neely. Mais là, ça commence à s'effriter. Donc, est-ce que Claude Julien va être le troisième entraîneur à perdre son travail cette année? On sait que Gérard Gallant a perdu son poste avec les Panthers de façon très galante et très respectueuse. Puis, il y a eu Jack Capuano aussi qui a perdu sa job très récemment aussi avec les Islanders de New York. Donc, j'ai le feeling que Claude Julien va partir. Et je parle de Gallant parce que moi, personnellement, Gallant avec les Panthers a fait une job très respectable. Ça serait le genre de coach que je verrais aller à Boston. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses. Ben, ouais, ben, tu sais, si Claude Julien est congédié, ouais, tu sais, pourquoi pas. Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise. Moi, j'avais comme un autre twist, là. Fait que je veux te laisser finir ta portion avant d'embarquer sur la mienne, là. Mais j'ai de quoi qui m'allume dans la situation des Panthers. Des Panthers? Ouais. Ça a rapport aux stats avancées, hein, je suis sûr. Ouais, un petit peu. Ouais, mais en tout cas, bref, moi, je pense que Claude Julien, c'est fini à Boston. Ça va être très récent. Puis je suis comme curieux de ta twist. Fait que j'ai fini, puis vas-y. Ah ouais, OK. Tu fais... Excuse-moi. Je voulais pas te couper. Non, mais c'est correct. OK, j'ai une petite twist là-dessus. Moi, je... OK, statistique avancée, là. Mettons ça au clair, là. C'est censé être de la marde. On va se le dire, là, il y a bien du monde qui dit c'est de la merde, OK? Les Panthers de la Floride sont au 11e rang avec des statistiques avancées, donc avec une méthode de merde. Comment ça se fait qu'ils sont en avant de les Devils, en avant de Détroit, en avant des Islanders, en avant de Tampa Bay? Puis je mets pas Buffalo parce qu'ils autres sont en train de reconstruire. Qui sont... particulièrement Tampa Bay, qui utilise toute une méthode traditionnelle pour monter leur club, qui est censée être la bonne méthode. Comment ça qu'ils se font battre par la méthode de marde? Est-ce qu'ils ont des jeunes? C'est pas tant la méthode, juste que... Je sais pas, au moins... Je sais pas, j'aime l'ironie de la situation. J'aime beaucoup l'ironie de la chose. Ouais, mais en même temps... C'était ça mon point. les Panthers étaient quand même forts l'année passée. Ben, Tampa Bay pas mal plus que les Panthers. Oui, oui, effectivement. Mais tu sais, si tu regardes ça, moi, personnellement, je pense que les Panthers ont plus de potentiel sur le long terme avec ce qu'ils ont présentement. Que Tampa Bay? On vient de le dire qu'ils ont comme 5 prospects qui ont fait le championnat du monde junior puis qu'il y avait plein de jeunes, que la seule affaire c'était Bishop puis Stamkos. Ben, je sais pas quoi te dire, finalement. Mais c'est parce que je veux. Le but c'est pas de dire que les stats avancées c'est mieux. Ça se peut que c'est vraiment de la merde, ok? Ça se peut. Mais on peut-tu l'étudier comme du monde puis l'essayer pour de vrai? Mais ça aussi, on l'a déjà dit. Hein. Ce que ça prend, c'est un bon mix des deux. Peut-être. Ou être 100% statistique avancée, on le sait pas. Parce que de toute façon, comme je disais dans mon ranch, je sais pas si c'est lors du dernier show ou l'autre show d'avant, c'est qu'on l'a jamais essayé à 100%. Fait qu'on sait même pas ce que ça donne pour vrai. Parce que les équipes, ils ont toujours des relents, des restants des anciennes administrations. Puis je donnais l'exemple de Bergevin, quand il y a encore du stock de Bob Gainey. Ouais. Thomas Plekanec est un vestige de Bob Gainey, tu sais. Puis même avant. Avant Bob Gainey. Même avant, imagine, tu sais. André Markov aussi. Markov, mais oui. Non, c'est, tu sais, quand on peut y trouver, là. On pourrait tout fouiller d'où ce qu'ils viennent. Puis, fait c'est dire comment est-ce que avant qu'on sache à 100% un club monté par des statistiques avancées, si c'est bon, faudrait peut-être lui donner un peu de temps. Je trouve que la corde n'est pas tellement longue. Puis là, voir qu'un club comme le Lightning de Tampa Bay, qui était donc bon l'an passé, qui est censé être bon, là, puis construit selon la manière habituelle, puis pas ses statistiques avancées, dégringole de même. J'aimerais ça, moi, qu'à l'inverse, on dise « Ouais, la méthode traditionnelle, c'est de la merde, check ça. Le Lightning de Tampa Bay, c'est pas bon. » Mais on le fait pas. Mais les Coyotes de l'Arizona, qui sont avant-derniers dans l'Ouest, ça, on le dit. Hein, statistiques avancées, check ça. Il y a comme une double mesure que j'aime pas, moi, là-dedans. En même temps, l'Arizona, je pense, dans leur... Ben, c'est voulu. Oui, non, mais leur reconstruction aussi est pas dans le même stade que les Panthers. Vraiment pas. Tu sais, les Panthers sont plus avancés, je pense, sont plus près de... Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà en place. Justement, tantôt, on parlait de Barkov avec Vlad. Non, c'est ça. Tu sais, Luongo, il est là, mais le Reimer va prendre sa place. J'espère qu'ils vont repêcher un autre goaler parce que Spike Reimer va gagner une coupe. Tu sais, sont encore dans le processus, tandis que l'Arizona sont encore au début du processus. Puis on peut le voir avec des jeunes qui sont renvoyés en bas, que ça fonctionnait, que ça fonctionne un peu moins. Je parle de Duclair. Tu sais, Domi aussi, c'est un petit peu en perte de vitesse. Oui, comme tu dis, c'est voulu. Probablement qu'eux autres visent un autre top 5. Mais tu sais, eux autres, t'as un Chychrun qui s'en vient, qui va être sa coche. Ouais. Tu sais, t'as du stock, là, pour vrai, en devenir avec l'Arizona. Ça se peut que ça sera pas bon pour vrai, les stats avancées. Je me fais pas un preacher de ça, là. C'est pas. Non, mais. Je suis pas à l'aveuglette là-dessus, là. C'est juste que. On peut-tu l'essayer pour vrai? Puis on peut-tu. Je peux pas dire que c'est de la merde avant de le savoir pour vrai, tu sais. Parce que la méthode traditionnelle, on a bien des exemples de clubs qui étaient bons, sont plus bons, puis qu'il y a juste pas tant d'explications, parce que tout le monde dans la méthode traditionnelle se fie pas mal à le pif pour évaluer les joueurs, tu sais. C'est juste ça, c'est comme... Laissez les stats avancer tranquille. Non, mais c'est trouver le bon équilibre. Moi, je dis que c'est un équilibre. Pas 100%, sûrement, sûrement. T'as probablement raison, puis ça se peut même très très bien. Là. Mais est-ce que ça nécessitait le renvoi de Gérard Gallant? Ben, c'est une question de vision, puis ça a l'air... Pierre Lebrun mentionnait ça, que c'était pas vraiment juste ça. Hein? Ah! Il y avait une question de... Puis je comprends quand t'es un coach de penser comme ça aussi, là. C'est que, oui, ton dirigeant, il te dit, fais telle affaire. Sauf que, en tant qu'entraîneur dans la Ligue nationale, tu le sais qu'éventuellement, tu vas te faire congédier. C'est inévitable. Ils se font tous congédier, OK? Donc, tant qu'à éventuellement te faire congédier, aussi bien suivre ta méthode à toi. Comme ça, t'es fier de tout ce que t'as fait. T'as pas été le petit pitou de service qui s'est plié aux bonnes volontés de tout le monde puis que tu te fais congédier parce que les idées des autres étaient pas bonnes. Fait que je comprends ça. Fait que ça serait ça. Le fait que Gérard Gallant a pas plié aux demandes de son DG, c'est ce qui l'a ramené à le congédier. Ça s'est-tu fait plus vite que se poser? Oui. Oh oui, c'était ben trop expéditif. C'est pas dans les standards de la Ligue nationale de le faire de même. Mais la raison... C'est la même que tout le temps, tu sais. Il y a une divergence d'opinion, les résultats sont pas là, on coupe la tête de l'entraîneur parce que le DG veut pas lui-même perdre sa job. Dixit Gard Snow. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire, là. C'est juste que là, ça s'est fait bien plus vite, puis il y avait l'histoire des stats avancées, fait que ça faisait un éléphant dans la pièce, on l'a tout pointé du doigt. Puis c'était ça, sans creuser la vraie histoire pour savoir qu'est-ce qu'il en était pour vrai. Là. Pour revenir à Montréal, Gallant, ça ne dérangerait pas. Ouais, mais tu sais, deux coach players assistants à gros prix, ça serait peut-être trop. Là. Ouais, mais quand même. Mais quand même. Fait que j'avais-tu autre chose, moi? Écoute, on a... Ah oui, il y a ça. Je voulais qu'on parle un peu d'Andrew Shaw. Vas-y. Je suis un peu tanné. Ça, c'est quand même drôle parce que nos shows sont aux deux semaines. Okay? Il y a un show qu'on blast. Il y a un show qu'on l'encense. Il y a un show qu'on blast. Non, mais il y a un show qu'on l'encense. C'est. On a de la polaire. Non, mais pour vrai, c'est, à date, je suis sûr qu'on regarde un vieux show, c'est on l'aime pas. Ah, oh, c'est clair. Mais c'est pas les l'énergie qu'il y avait de ça là, c'est pas les performances offensives, tout ça. Tu sais, il est à la hauteur du talent. Moi, c'est son côté Sean Avery que j'aime pas. Il est dangereux, ce maudit-là. C'est pas un exemple? Ben, écoute, il a donné un coup à tête dernièrement. Écoute, faudrait que j'en remonte dans le temps, là. J'ai tu. Ouais. Ah, le lien, qui était un peu late, plein d'anglais. Contre les Rangers, un coup violent sur Jesper Fast, qui était très, très lent en première période. Après ça, il s'est battu contre J.T. Miller, qui a planté. Le gars est à terre, il continue à varger dessus. C'est comme s'il était dans un autre club, on le pointe trop. Les gens de Montréal feraient comme ça, pas de bon sens, je vois de même dans la Ligue nationale, mais comme il est à Montréal, il n'y a personne qui chiale. Non, mais. J'en ai pas contre l'énergie qu'il amène, j'en ai pas contre les points, puis tu sais, tout l'ensemble, tu sais, pas mal l'ensemble de l'œuvre, j'ai rien contre le joueur, j'en ai contre les coups salauds, peu importe la couleur du jersey, tu sais. Ah, c'est sûr, mais ça, tant qu'à moi, ça changera jamais. Puis, tu sais, l'avoir à Montréal, c'est pas une excuse pour accepter, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. Je comprends totalement. Puis, oui, effectivement, c'est. J'ai pas vu le match. J'ai vu le hit. Là, sur le coup, j'ai peut-être pas tant. Je me suis pas attardé sur le plaquage, là, mais. Excuse-moi. Le lien que j'avais pour cette nouvelle-là, pour Chat qui est expulsé, c'est un lien sur TVA Sport.ca. Dans les articles recommandés et ailleurs sur le web, fr.canoë.ca, l'article, c'est 45% des hommes se contentent de la taille de leur pénis. Et je me demande où la nouvelle, parce que t'as comme pas trop le choix. Bon, faire avec, c'est le seul jeu, fait que... Je vais ramener le titre de notre ancien show. Hors-jeu, ouais, c'est ça. Parce que maudit qu'on était dedans, là, OK? Canoë, come on! Ah, fait qu'on va revenir au hockey, ça te dérange pas? Ouais, c'est bon. Ça a l'air qu'on se contente, là. La moitié des gars, un petit peu moins, qui se contentent de la grosseur de leur pénis. Les autres, acheter des pompes, si je dis. Bon! Fait que Galchenyuk s'est re-blessé. Ouais! Il a aggravé sa blessure au genou. Penses-tu qu'il est satisfait de son pénis? Ah! Faudrait demander à Chanel. Ouais. Chanel 27. Bref, Galchenyuk est encore blessé au genou, donc ne jouera pas contre Calgary. Ouais. Est-ce que ça t'inquiète? Là, je ramène la même affaire qu'avec Carey Price. Les médias en font tout un plat. Ouais, ouais. Ben, en fait, il est revenu une semaine plus tôt que prévu. Ça a l'air qu'il est mal tombé. Je sais pas, tu sais, c'est peut-être rien qu'un bleu ou une affaire la même. On prend pas de chance. Puis c'est encore là le... Ben, pas l'omerta, parce que là, ils en ont parlé, tu sais, ils l'ont dit, fait que... J'ai comme l'impression que c'est une amélioration, mais tu sais, on est suspicieux tout le temps avec le Canadien, hein, quand ça touche les blessures. Ils nous disent, c'est-tu vraiment la vérité, ça? C'est la vraie affaire, tu sais, est-ce qu'ils nous cachent de quoi? Ça fait parler les médias, ça fait parler le monde, puis ben le Canadien préfère qu'on parle d'une blessure que de parler de Tomáš Plekanec parce qu'il va jouer pareil. Là. Ouais. Je sais pas. Ouais. Bref, Plekanec, pas Plekanec. Plekanec blessé, j'aimerais ça. Galchenyuk, je suis encore poigné sur ton affaire de canoë. Je suis genre, moi ça m'a sorti bien raide, ok. Mais ouais, c'est ça, en espérant que c'est juste comme un match, traitement, merci, bonsoir, on revient. Si c'est vraiment un setback, là, un retour en arrière, là, ça pourrait être plus problématique pour le Canadien de Montréal, parce que je l'ai déjà expliqué, Alex Galchenyuk fait juste 2,8 millions sur la liste des blessés à long terme. L'espace qu'il libère sur la masse salariale est pas assez gros pour aller chercher quelque chose pour le remplacer. Fait que t'es comme pogné dans le pire des deux mondes. Le mieux, là, puis tu disais ça en joke, mais le joueur que t'espères qu'il se blesse, pour utiliser ça à ton avantage, c'est un joueur comme Tomáš Plekanec qui t'en donne bien moins que pour son 7 millions sur la masse salariale, que si t'es blessé, tu peux le remplacer parce que t'as tout d'un coup 7 millions sur la masse de disponible. C'est tout le temps ça. T'sais, le Canadien, c'est deux gros blessés. C'est ben Markov, je l'enlève de l'équation, là, mais c'est depuis longtemps, c'était Galchenyuk et Desharnais, deux petits salaires, t'sais, dans la réalité d'aujourd'hui. Fait que tu peux même pas utiliser ça pour aller chercher du talent pour compenser. Fait que ce serait ça le pire qui pouvait arriver pour le Canadien de Montréal. On espère que c'est pas le cas. Puis on espère surtout que Michel Therrien va recommencer à l'utiliser comme un joueur de premier trio, parce que de le mettre sur la troisième ligne pour faire de la place à Tomáš Plekanec, ça ne fait aucun sens. Non, surtout qu'il y a eu 4 points en 5 matchs depuis son retour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je cherche encore, là. Je me demande qu'est-ce qui manque. Mais ça, on ne comprendra jamais. Puis ça, c'est Michel Therrien. Il gère mal ses joueurs. Ça frustre plus qu'autre chose, en fait, là, pour vrai. Là. C'est juste n'importe quoi. Là. On prend à faire un autre show avec Michel Therrien. Hey, on a une couple de réponses pour notre idée de transaction. Je rappelle, Plekanec, Emeline, plus un deuxième choix contre Ryan Nugent-Hopkins et Adam Larson. On a Mathieu Lamar qui dit « Je pense que t'en fumes du bon. » Fait que moi, j'ai répondu. C'est pour ça qu'on vous demande votre avis. Sylvain Rioux, qui est un fan des Oilers, qui dit « Hey, tabarnak, pas vrai que je vais être pogné avec Plekanec dans ma cour. » C'est très Sylvain Rioux style. Samuel Deschaines, hey, ça répond, tabarouette. Samuel Deschaines qui dit « On a pas assez en retour. Edmonton ajoute Drezdel et Eberle ou juste McDavid. » Il est très dans l'ironie. Mathieu Petit qui dit « Intéressant, mais le problème pour moi, c'est que Larson est droitier, donc Markov ou Beaulieu devra remplacer Emeline sur le premier duo, et j'y crois pas vraiment. Puis tu sais, Markov, on le disait, trop lent, il y a Beaulieu, mais trop erratique. Peut-être que, ben tu sais, il avait pas mal fait avec Weber. Sauf que, ben, Therrien étant ce qu'il est, il pouvait pas laisser ça stable. Fait qu'il a changé. Mathieu Dufresne qui dit « Je pense que tu joues trop au NHL 17. » C'est ma réponse préférée. Ouais, j'avoue. Jean-Michel Brière qui dit « Lol, si Edmonton accepte ça, ils en ont fumé du bon. » Voyons, il a donc bien des drogués sur notre page. Puis il y a Rémi Nadeau qui dit « Faudrait te donner plus. » Ce qui est la réponse la plus logique. La plus logique. Enfin un qui est sa coche. Fait que, bon, ben écoute, on salue tout le monde qui ont pris la peine de répondre. C'est très nice. Très content de voir que la réaction se fait aussi rapide. Puis de voir que c'est pas tout du monde que je connais. Ça, c'est ouais. Très cool. Tu sais, de voir que le show prend de l'expansion puis dépasse les frontières de mes amis puis tes amis. C'est nice. Effectivement, on touche d'autres gens. Ça prend toujours plus de monde parce qu'on aime ça, toucher les gens. Jerry, t'es-tu satisfait de ton pénis? Je quitte! Ben écoute, ça donne bien, on va quitter ça show-là sur cette solide blague. Mais écoute, lors du dernier show, j'étais trop subtil avec mes blagues du bye-bye, t'es pogné pas, fait que là, ah ouais, on y va gras. C'est sûr que je l'ai pas écouté, pour ça je le pognais pas, hein? Jerry, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? On peut me retrouver sur Twitter, @godbout25. Écrivez-moi là-dessus si vous voulez. En général, je suis pas actif, sauf dans le temps de la date limite et le 1er juillet. Sinon, en tant que tel, Facebook, Jerry Godbout, m'ajouter avec un petit mot genre « Yo, man, je te connais de la POC. » Yes. Puis on parlera d'hockey, ça ne me dérange pas pantoute. Sinon, en tant que tel, vous pouvez aussi me trouver sur un autre podcast qui existe encore. Je tiens à te rassurer, JB. Ah, moi, je pleure à tous les jours. Les geeks sont parmi nous, ce qu'on parle de trucs plus geeks, jeux vidéo, films, BD et tout le tralala des super-héros de la cape, et c'est ça. Puis il y a plein de jokes plates de Simon, donc vous pouvez me rejoindre là. Sinon, toi aussi, tu as une présence sur les internets. Yes, @gangji_b sur Twitter, je vais gagner sur Facebook, même affaire que Jerry. Mentionnez-moi que vous me connaissez de par mes shows comme La POC et La Réalité Augmentée, podcast aussi sur la thématique du jeu vidéo, cinéma, tout ce qui est geek. On y touche pas mal. Un petit peu de techno, une fois de temps en temps, là, quand Luc se permet. Sinon, sinon, ben pour la POC en tant que telle, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux @lapocpodcast pour ce qui est de Twitter, facebook.com/lapocpodcast. Notre site internet avec la plus belle adresse ever pour un show de hockey, lapoc.net. Et on vous invite à nous laisser des commentaires sur notre site, ce qui est un dépôt d'émission, mais il y a possibilité de laisser des commentaires. Aussi sur iTunes, si vous avez des étoiles à laisser, c'est toujours extrêmement apprécié. Ça améliore notre visibilité. Mais ce qui améliore encore plus notre visibilité, c'est le fait que vous en parliez au monde, que vous écoutez la POC. Si vous connaissez des amateurs de hockey dans votre entourage, puis vous dites qu'ils pourraient aimer ça, ben mentionnez-leur. C'est la meilleure façon de spread love de ce show-là, le faire voyager. On a des auditeurs en Suisse, on a des auditeurs dans l'Ouest canadien, on a du monde au Québec, beaucoup, dans le coin de Ottawa aussi, donc en Ontario. Fait que tu sais, on s'en vient big, là. Puis c'est grâce à vous autres. Puis c'est pour vous autres qu'on fait le show. Donc voilà, c'est ce qui complète l'édition de cette semaine de la POC en ce lundi 23 janvier 2017 au moment de l'enregistrement. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes web que sont RZO aussi, sur sportradio.ca. D'ailleurs, on salue les gens qui ont dîné avec nous au moment de l'écoute sur cette plateforme. Québec Web, toutes les affaires, là. Balado Québec, c'est ça que je voulais dire. Québec Web, comme si ça existait. On est partout! Donc voilà, merci d'avoir été là. Merci Jerry. Merci Jumeau. Merci à vous autres, les auditeurs, et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Ciao là. Yay! Il y a pas beaucoup de sujets, finalement. Ah, ça a déboulé. En fait, notre heure est quelque pareil. Non, ouais. C'est je voulais parler de Patch Ready en plus, mais. C'est pas grave. Parce que qu'est-ce que tu veux dire, Patch Ready? Je veux juste dire que performant, mais nonchalant. C'est. Ah, moi, je trouve ça drôle, là. Martin Lemay, il y a comme un man crush dessus. C'est correct, il a le droit là, d'aimer un joueur. Au moins, c'est pas Plekanec comme François Gagnon. Non, fait c'est ça. Déjà mieux. Mais, tu sais, l'autre jour, il dit « Ah ouais, le Canadien avait une mauvaise performance. » Puis là, Patch Ready est arrivé sur la glace, puis tu voyais qu'il patinait. Avec un train, puis il essayait de transmettre de l'énergie à ses troupes. OK. Good. Y a-tu mis des points au tableau? Non. Ah, OK. Non, mais c'est ça. C'est parce que, je sais pas, moi, c'est des. Ça nonchalance, là. Puis il y a un gars que. C'est pas un gars que je connais, mais c'est un ami d'un de mes amis. On joue au Xbox, puis il était dans le groupe, puis il avait été voir la game du Canadien la dernière à Montréal. C'était contre Buffalo? C'était contre Buffalo. Oui. Puis il a dit la même affaire. Mon oncle était là. Pour vrai? Donc j'aurais peut-être pu avoir des billets. Ah, ben c'est pas grave. Mais non, pour vrai, c'est juste une question de. C'est la nonchalance. Il est tout le temps en retard ou. Tu sais, il s'implique pas dans les jeux défensifs. C'est n'importe quoi, genre. C'est. En tout cas, moi je trouve que c'est. Moi avec le coach, je la cirais une couple de fois parce que ça a même pas de bon sens, là. En même temps, c'est le capitaine. Mais écoute, la journée où est-ce qu'il va asseoir Patch Ready, ça veut dire que Plekanec va déjà être passé par là. Je peux pas croire que Plekanec passera pas avant Patch Ready. Ça, c'est sûr. Parce que Patch Ready, il y a un de mes amis qui n'arrive pas parce qu'il m'entend souvent chialer sur lui. Puis tout, tu dis ouais, mais qu'est-ce que tu vas avoir de plus pour le même salaire? Puis je suis d'accord avec ça que le salaire qu'il y a, il nous en donne beaucoup. Ouais. Mais un moment donné, là, t'es le capitaine, t'es l'exemple. Je sais pas, man, faites quoi, donne-toi, fais ton Gallagher. C'est poche à dire, mais faut qu'il soit comme Gallagher. Check. Gallagher, il se pète des mains avec des shots de Weber, pas pour rien. C'est parce qu'il se crisse devant, là, puis il bouge, il est tout le temps sur le jeu, puis. Mais bon, Gallagher est brisé, mais en général, il a l'attitude, tu sais. C'était juste ça. Ouais, non, regarde, c'est un peu n'importe quoi, là. Ouais. J'ai hâte qu'il y ait du changement dans le Canadien. C'est pour ça que j'ai hâte de date limite, là. Si on peut enfin échanger Plekanec, là. Ce qui arrivera pas, je sais, mais j'ai de l'espoir. Le Canadien va mourir avec le Canadien. Ça me fait suer, genre, que, tu sais, avec Makov, c'est le gars qui est en train de, tranquillement, pas vite, battre tous les maudits records de longévité avec l'équipe. Tu fais comme, ben, voyons donc, dans toute l'histoire du Canadien de Montréal, je peux pas croire que c'est lui, là. Ouais. Je peux pas croire qu'il est comme, il est rendu, genre, 11e rang, là, des plus de matchs, puis de plus de points, parce que, tranquillement, pas vite, il ramasse, tu sais. Là, tu fais comme, ben voyons donc, je peux pas croire, tu sais, que cette glorieuse histoire laisse passer entre ses filets ce gars-là, tu sais. Mm. Tu sais, c'est comme Sakou Koivu qui est devenu, genre, le plus grand capitaine de l'histoire du Canadien, tu sais, devant Béliveau, puis tu fais comme, non, faites en sorte de l'échanger à 20, tu sais. C'est fou, là. Non, mais c'est ça. C'est ça le Canadien, hein. C'est contenter de la non-médiocrité, mais pas viser le top. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. T'sais, puis je l'ai déjà mentionné sur le show, les Maple Leafs de Toronto, sont-ils dans la même situation que le Canadien de Montréal, oui ou non? Ils ont des fans, ils veulent de l'argent, t'sais, c'est faire les séries, c'est payant pour eux autres aussi. Pourquoi qu'eux autres, ils se permettent de le faire, une reconstruction, puis de se donner une vraie chance d'aller pour la Coupe? Parce qu'ils n'ont pas la mentalité canadienne de Montréal. Ben, ils l'ont eu longtemps. Ben oui, mais ils ont enfin modifié leur mentalité. Ben, ils ont changé leur mentalité, mais tu sais, c'est des vieux de la vieille, c'est Shanahan, c'est le vieux Lou Lamoriello, mais si ces gars-là sont capables d'évoluer puis de se rendre compte que c'est ça la réalité de la Ligue nationale, puis de l'expliquer au monde... C'est Bob McKenzie qui disait ça il y a 2 ans. C'est que tu fais un sondage dans la population puis tu lui demandes « Êtes-vous d'accord avec le fait de faire une reconstruction? » Tout le monde est d'accord. Il n'y a jamais eu autant d'enthousiasme alentour de l'équipe un an et demi après. Pourquoi? Parce que là, tout d'un coup, ils ont une vraie chance de se rendre juste pour la Coupe. Les gens ont finalement une raison d'espérer, tu sais. Mm-hmm. Puis l'espoir, c'est vendeur. Bien plus que juste faire les séries. Si faire les séries pour te rendre en première ronde, te faire laver, là, ça donne rien. À part pour les finances du propriétaire, ça donne absolument rien. Tout ce que ça fait, c'est que t'as repêché plus loin puis t'as ramassé 4 millions de dollars dans tes poches gratuits parce qu'il n'y avait pas de salaire. C'est à peu près tout, là. Tant qu'à finir 10e, fini dernier. Ah oh, ouais. Comme Ottawa aurait dû se faire dans le temps. Là, ben avec, oui. Puis, oh. Mon chum Chris, qui est un fan des Sens, puis je le comprends. Là, c'est, oui, c'est une belle remontée. Oui, c'était bien le fun. Mais gars, aujourd'hui, tu te ramasses avec Mike Condon comme gardien de but numéro 1, puis pas de McDavid. Rien contre Mike Condon. Puis mais l'Hamburglar, là, c'est une illusion. Là. C'est un mirage. C'est fini. Mais Anderson va revenir en février, ça a l'air aussi. Peut-être, mais si sa femme elle meurt, ça sera pas le... T'sais. Oh, ouais. Ça, c'est sur le plan humain, on s'entend que tu veux faire ça, tout pour le gars, mais pour l'équipe, c'est pas... Il y a rien de safe, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, t'sais, en tout cas, whatever. Là. Mais t'sais, dans le désert que qu'est les Sénateurs d'Ottawa, Hamburglar, c'est un mirage. Hum. Mm. Ça n'a rien donné là, sur le long terme. Puis ça aurait peut-être rien donné de pas avoir cette remontée-là. Mais... C'est tenter ta chance pour ben avoir... Ben oui, pour un méchant gros lot. Là. Ben, ça n'avait pas été McDavid de penser qu'il aurait pogné quelque chose d'autre de quand même pas pire. Là. Ben écoute, cette année-là de draft, je vais juste sortir hockey DB. T'avais Eichel. T'as peur, on va sortir ça. 2015... OK, dans le... écoute, dans ceux là, qui ont déjà popé, là, OK? McDavid, Eichel, Marner, Anafin, Zacha, joue déjà au New Jersey, Provorov, Werenski, ouais, ouais. Timo Meier va être solide à San Jose, Rantanen aussi, au Colorado, Lawson Cruz, puis même quand tu recules... Tu sais, Thomas Chabot, il va être bon, là, avec les Sénateurs, là. Ah, oh, ouais. Noah Juulsen, il s'en vient, il va jouer. Anthony Beauvillier avec les Islanders, c'était pas un club de marde comme c'est avec les Islanders. Il jouerait pas dans la Ligue nationale, mais il serait bien mieux développé que là. Ah ouais, là, il fait rien. Hein. Ben, ils l'ont même pas renvoyé dans la Ligue faire le championnat. Ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Puis les Oilers sont pas mieux, là. Puis tout chez Riley, il a pas envoyé Puljujärvi, là. Il est tellement con. Je comprends pas que le monde le défende encore, Cherelli. Ça a même pas de bon sens. Il fait pas jouer pour Puljujärvi. Il arrive le championnat junior. Il l'envoie pas. Le lendemain de la fin du championnat junior, il le renvoie dans les mineurs. Il l'envoie dans la Ligue américaine. Tu me niaises? Ouais. Tu me niaises? Envoie-le au championnat junior, puis après ça dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que t'avais à gagner? Rien! Ouais. Il y a 8 points, je pense, en 30 games. Là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est. Je mettais ça sur le site de la POC. Ah, je voulais faire ça sur le show. Regarde. Je voulais faire les citations magiques de la dernière semaine sur On Jase. C'est à peu près le seul show parce que j'écoute jamais la TV. Fait que. Ben, en fait, j'ai même pas le cas. Fait que c'est la seule source régulière de hockey que j'écoute, là. Puis. Il disait ah oui, il y a certains DG qui drivent ça comme un dépanneur. Ah ouais, en parlant de la gestion des clubs, tu fais comme tabarouette, c'est target en, tu sais, tu peux pas avoir plus target que ça là, t'es pile dessus, ouais. Là. C'est tellement ça là. Il parlait à cause des Islanders, il me semble. Ouais, les Islanders, puis ben tu sais, moi je rajoute les Oilers là-dedans là. Mais les Oilers, au moins, ça fonctionne un peu cette année. Ben oui, parce qu'ils ont McDavid. Ils sont en série. Ah, c'est sûr. N'importe quelle équipe a un McDavid. Genre le joueur parfait. Puis comme tu disais, c'est bien plus facile d'attirer le monde puis tout. Là. Ah ouais. C'est comme Toronto. Matthews attire le monde en tabarnane. Tu sais, Carey Price, là, dans 2 ans, là, quand il va devenir agent libre. Là. Toronto. Moi, j'y crois. Ouais, Toronto, mais Edmonton. Il vient du BC. Ouais, c'est clair. Là. Dans 2 ans, là, les Oilers vont être prêts. Là. Hey, ça pourrait être une nouvelle dynastie, ça, tu penses? Solide. Mais écoute. Solide. T'as juste à dire, gars, signe pour. Là, il est à. Carey Price est à 6,5. Là, Carey, là, on te signe à 7. Check l'alignement. Mec, David. On t'assure des chances dans les 5 prochaines années. Pour au moins 3 coupes. Des chances réelles. C'est pas tentant? Mais oui, c'est tentant, c'est sûr. Ah, je le verrais tellement là-bas. Ben, je voudrais qu'il reste à Montréal. Là. Mais, ça pourrait être tentant. Cette semaine, la semaine passée, vendredi, Gaston Therrien qui parle de Carey Price, puis il dit Price, là, il est fatigué là, parce que ça fait depuis le mois de mai à tous les jours qu'il s'entraîne. Price fatigué car depuis mai à tous les jours et chaque quotidien, il s'entraîne à fond pour retrouver son niveau. À chaque quotidien. Il est magique. Gaston, là, c'est que c'est mon préféré. Gaston Therrien. Mais tu sais, Gaston, plus partout déjà, encore qu'il l'est déjà à RDS. Ça prend toujours plus de Gaston. Gaston à fond. Ben, OK. Le réseau des Gastons.